Bonjour à tous. Je salue ceux qui nous ont rejoints pendant ce culte. C'est toujours une joie et un privilège de partager la parole de Dieu. Alors, on a parlé du Saint-Esprit tout à l'heure, en tout cas, on l'a évoqué. Et j'invoque la double portion de l'Esprit ce matin pour vous parler de la part de Dieu. Je vous invite à continuer cette série de prédications que Samuel avait initiée sur l'Évangile de Luc. À ouvrir vos Bibles ou alors à écouter le texte qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, les versets 36 à 50, donc la fin du chapitre 7. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez le pharisien et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme qui avait péché. Elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est. » Une femme qui a péché. Jésus prit alors la parole et dit au pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit, « Parle, maître. » Et Jésus dit, « Deux hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un d'eux devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait le rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as raison. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu ne m'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Mais à celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Jésus dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Mais qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Voilà une parole de Jésus qui m'a accompagné pendant tous ces jours. Cette parole, on la trouve, vous l'avez lu, au verset 40. Et c'est pas souvent que Jésus interpelle quelqu'un de cette manière. C'est aussi l'une des rares fois dans l'Évangile où Jésus s'adresse à quelqu'un par son prénom. Et cette rareté mérite que l'on s'attarde sur ce quelque chose de si particulier que Jésus veut dire à Simon, et aussi sans doute à nous par la même occasion. Alors vous savez, je ne m'appelle pas Simon. Et je ne sais pas s'il y a parmi vous des Simons. Il y en a des Simons parmi nous, même en deuxième prénom, même en troisième prénom, même en quatrième prénom. Non, il n'y a pas de Simon. Il y a des Simones peut-être, mais ça va marcher avec Simone aussi. Mais ce matin, je voudrais vous inviter à changer de prénom. Je vous propose que, juste pour le temps de cette prédication, tout au moins, on se mette dans la peau de Simon. Que nous soyons tous des Simons ou des Simones. Ça marche aussi avec Simone. J'aimerais que pour ce jeu de rôle provisoire nous rendre plus attentifs à cette parole de Christ, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Alors, sans trop m'engager, je pense qu'on est à peu près tous pareils. Quand on regarde un film ou quand on lit une histoire, on choisit toujours son camp. Et en règle générale, on s'identifie plus facilement au personnage le plus vertueux, à celui qui se rapproche le plus de nos valeurs, même si on n'est jamais sûr de rien, le contraire peut être aussi vrai. Alors pour l'heure, tout en respectant le choix de chacun, j'aimerais poser comme base commune qu'il ne nous viendrait jamais à l'idée de nous identifier ni à Pharaon, ni à Nebuchadnezzar, ni à Judas Iscariote, ni à Hérode, ni à Pilate. Et je pense que entre Abel et Caïn, je pense qu'il n'y a pas photo. Même si Abel a une fin tragique, on préférera toujours l'éloge qui lui est faite à la malédiction de Caïn. De même, dans la parabole du fils prodigue, on se reconnaîtra davantage dans l'attitude du fils perdu qui se repent plutôt que dans le personnage du fils aîné, parce que un pécheur qui se repent, c'est plus évangélique, c'est beaucoup mieux qu'un fils aîné qui râle. Quoique bien souvent, je doute un peu à ce sujet. Alors je me pose une question, et je nous la pose aussi, est-ce qu'on n'aurait pas cette même attitude face au texte de l'évangile de ce matin? Est-ce qu'on ne serait pas tenté d'aller vers la figure biblique qui reflète le mieux nos aspirations profondes? Ce matin, le texte que nous avons lu semble nous offrir un choix entre deux protagonistes, entre deux personnes, entre un homme et une femme, entre une illustre inconnue qui pose des gestes magnifiques et Simon, un pharisien, un puriste, immobilisé par le regard qu'il porte sur les autres et particulièrement sur cette femme, au lieu de poser ce regard d'abord sur lui, ou mieux encore sur le Christ. Alors ce matin, nous aurions le choix entre la pécheresse et le pur, entre une personne avec un lourd passé, on dirait aujourd'hui avec des casseroles, hein, sans faire allusion à l'actualité, tout en y faisant un peu, et une personne qui mène plutôt une vie droite et sans histoire. Dans ce récit, il est clair que la personne qui a une très large longueur d'avance sur l'autre, c'est bien la femme inconnue. Elle est loin devant Simon, loin en ce qui concerne le pardon. Elle est loin devant lui dans l'expression de son amour pour le Christ, dans l'expression de son adoration. Et c'est tout à fait normal que ce soit vers cette femme que se porte naturellement notre choix. C'est elle, cette femme, qui incarne le mieux l'idéal du chrétien évangélique par excellence. Elle illustre à merveille ce chemin de conversion que nous sommes invités à prendre, son passé honteux est transformé en un présent glorieux. Et ça, voyez-vous, ça me parle. À mon sens, ce serait une parfaite candidate pour un baptême. Imaginons un peu la clarté de son témoignage, la limpidité avec laquelle elle pourrait témoigner de ce qui s'est fait en elle, c'est-à-dire de son passage de la mort à la vie. L'histoire de cette femme anonyme et celle d'une personne perdue, nous dit le texte, dans son péché, qui dans un acte d'adoration extraordinaire, il faut relever cet acte, va poser des gestes d'amour d'une valeur inestimable. Mais elle est pardonnée, elle est reconnaissante, elle déborde d'amour. Et c'est à elle que j'aimerais, c'est à elle que, je pense, nous aimerions tous ressembler, parce qu'elle est en quelque sorte l'archétype d'un chemin de conversion. Et à nos yeux, comme aux yeux de plusieurs, c'est elle, sans aucun doute, l'héroïne de ce passage. Alors je ne suis pas en train de dire que son geste n'est pas significatif, qu'il n'a aucune valeur. Mais voyez-vous, il n'a de valeur que par le contraste qu'il révèle entre elle et Simon. Ce geste lumineux n'est posé que pour révéler la part d'ombre de Simon, son imperméabilité à la parole du Christ, sa résistance, son incompréhension et certainement pas pour que nous choisissions notre héros. Alors c'est vrai, il existe tout un monde, tout un abîme qui sépare ces deux personnes. Et entre ces deux portraits, j'aurais tendance, comme vous, à faire mon choix. Et pourtant, tout en regardant la femme, tout en prononçant ces paroles et ces mots libérateurs, « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix », ces paroles qui sont si douces à entendre, c'est bien aux pharisiens que Jésus s'adresse en disant « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon, il faut que je te parle. » Alors à ce stade, je pense qu'il est nécessaire de marquer une pause et de se demander « Mais pourquoi est-ce si important ce que Jésus veut dire à Simon ?» Est-ce que vous avez une petite idée ? Dieu qui est le pauvre de vous faire ton meilleur que tous les autres. Moi, j'ai travaillé le texte, donc j'ai une longueur d'avance sur vous. Mais pour nous aider à répondre à cette question, je voudrais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Un écrivain allemand dont le nom est imprononçable pour moi parce qu'il est trop éloigné de ma culture d'origine, rapporte l'histoire d'un homme qui méditait profondément, j'insiste et il insiste, profondément la parabole du publicain et du pharisien. Cette parabole, on la trouve dans Luc 18, dans Luc au chapitre 18, et c'est cette parabole, vous savez, où deux hommes se présentent devant Dieu, quelqu'un qui baisse les yeux, c'est le publicain, et quelqu'un qui, en regardant l'autre, dit « Je te bénis parce que moi, je fais plein de choses pour toi et je ne suis pas comme lui. » Et cet homme qui méditait sur cette parabole, sur cette petite histoire, il a écrit une prière sur son carnet, qui est la prière suivante. Je te rends grâce, ô mon Dieu, de ne pas être un pharisien. Je pense que cet homme n'avait pas très bien compris l'histoire. Et je crois que c'est un sentiment que nous pouvons avoir. Et même si je m'en défends, je pense que c'est aux pharisiens que Jésus veut parler. Alors rassurons-nous, Simon n'est pas un mauvais homme, n'est pas une personne mauvaise, mais c'est un pharisien. Et comme tous ceux de son clan, il est le gardien de la loi, il est le gardien de Dieu, de ce qu'il faut penser et croire sur Dieu, et il est aussi le gardien de cette distance que toute personne doit garder entre elle, entre une personne, et le divin, et le sacré. Mais Simon, je pense qu'il nous ressemble. Parce que Simon, c'est un colleur d'étiquettes. Alors, il y a des couleurs d'affiches pendant les campagnes électorales, mais Simon, sa spécialité, lui, c'est de coller des étiquettes. Alors, il distribue sans savoir des noms et des intentions à tout le monde. Et je pense que je soupçonne un petit peu Luc d'être un petit peu espiègle dans le choix de Simon. Alors, nous savons que Simon, c'est un nom courant, on en trouve énormément dans la parole de Dieu. Mais je pense qu'il y a un petit peu d'espièglerie quand même dans le choix de ce prénom. Parce qu'en hébreu, ça veut dire « Dieu entend », alors que lui, il paraît sourd, ce qui est curieux. Et en grec, qui est la langue d'origine de Luc, Simon, ça veut dire « quelqu'un qui a le nez camu ». Alors le nez camu, c'est le joli nom pour dire d'une personne qu'elle a le nez court et plat. Autrement dit, que c'est quelqu'un qui ne peut pas voir plus loin que le bout de son nez raccourci. C'est pour cette raison que Simon, il ne regarde pas la femme, il ne la voit pas. Alors aujourd'hui, les jeunes diraient, il ne la calcule même pas. Hein. Et s'il la voit, s'il voit cette femme, il s'arrête à ce qu'elle est, mais il ne sait pas qui elle est. Il est hermétique, il est sourd, comme souvent je peux l'être à la nouveauté du message du Christ, à l'originalité de cette parole qui peut me transformer, me pardonner, me libérer aussi du regard négatif que je porte sur les autres pour libérer en moi cette capacité d'aimer comme Jésus l'a fait pour cette femme. Donc la première raison pour laquelle il faut que Jésus s'adresse à Simon, c'est parce que c'est un pharisien, c'est un puriste, c'est un gardien, c'est quelqu'un qui a la tendance à exclure les autres du cercle du Christ. Et c'est quelqu'un, évidemment, qui est un petit peu obtus. Et chacun se reconnaîtra dans cette description. Mais la seconde raison, je pense, que pour laquelle Jésus doit parler à Simon, c'est parce que ça rejoint le projet global de Luc. Alors, pour employer des gros mots, je dirais que c'est son projet théologique. Mais on pourrait dire plutôt que cela rejoint sa préoccupation pastorale. Alors, Luc, ne l'oublions pas, écrit pour des communautés composées de juifs et de païens, avec des expériences différentes, des histoires différentes, des proximités différentes avec Dieu. Et Paul aussi fait aussi cette différence lorsqu'il parle de l'annonce de la paix pour vous qui étiez loin et l'annonce de cette même paix pour ceux qui étaient proches, dans Éphésiens 2. Ce que Luc cherche à faire à travers ce récit, à travers l'histoire de ces deux personnes tellement différentes, tellement opposées, c'est de les rassembler autour d'une histoire commune, autour d'une expérience commune, qui est celle de l'expérience du pardon de nos fautes et d'un amour débordant pour le Christ à laquelle cette expérience du pardon doit naturellement aboutir. Et dans cette histoire, il y a une personne, nous l'avons tous reconnue, une personne qui est acquise au Christ, une personne suffisamment proche du Christ, qui est dans une proximité telle avec le Christ que de simples paroles d'encouragement suffisent. Va, continue sur ce chemin, continue parce que ta foi t'a sauvé. Pourtant, c'est vers celui qui est le plus éloigné de lui que le Christ va chercher. C'est vers le perdu, celui-là même qui se croit le plus proche, le pharisien, le Simon ou la Simone que je suis, parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Et parce que nous sommes sous le régime de la grâce, rien n'est définitivement écrit à l'avance. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La porte est toujours ouverte à ce changement auquel Dieu nous appelle. Et c'est cette raison même pour laquelle Jésus, le Christ, veut parler à Simon. Il a un message pour lui. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il faut que je te parle. » Et nous devons interpréter cette parole qui vient à Simon, ce quelque chose à lui dire, ce quelque chose à nous dire, comme une parole qui cherche le perdu, une parole qui va chercher le Simon que je suis souvent, trop souvent, droit dans ses bottes comme ce fils aîné dont nous avons parlé tout à l'heure, comme une parole de grâce, comme une main tendue. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au lieu d'une confrontation directe avec Simon, le Christ choisit de lui raconter une petite histoire, de lui raconter une parabole. Le fait de raconter cette parabole, c'est à la fois pour lancer à Simon une planche de salut, une bouée de sauvetage, pour sauver le plus éloigné de la grâce, mais c'est aussi et surtout pour remettre au centre de toute chose la parole de Christ. Il le fait pour toucher l'oreille de Simon, pour le sortir d'une trop grande vénération pour le texte et pour l'amener vers une démonstration pour le Christ par des actes concrets. Car en fait, l'histoire de ces deux hommes dans la parabole, qui devaient à un prêteur, certes, une somme différente, mais à qui le prêteur pardonne ou remet les dettes, les libère de leurs dettes, n'est en fait que l'illustration d'une seule et d'une même chose que Jésus-Christ veut dire à Simon. Et la chose est la suivante. Peu importe que je sois proche ou éloigné, peu importe mon histoire, peu importe ma proximité ou mon éloignement d'avec le Christ, peu importe même si ma fidélité de pharisien me fait croire que je suis plus méritant que la pécheresse que je tiens à distance. Peu importe tout ça, parce que le plus important, ce qui m'unit à la personne la plus proche comme à la plus éloignée, c'est le pardon. C'est la grâce du pardon. Ce sont ces gestes d'amour, c'est de me mettre au service du Christ par amour. Alors ce matin, j'aimerais être comme cette femme, vraiment, comme cette femme qui a tout compris. Elle a tout compris. Et elle a tellement bien compris que le Christ lui pardonne ses péchés. Elle avait été pardonnée, elle est pardonnée, et il l'accompagne avec ses paroles d'encouragement. « Va en paix, ta foi t'a sauvée. » Elle est sans doute cette femme bien plus proche que moi. Mais moi, je m'appelle Simon. Et vous vous appelez Simon et Simone aussi. Et ce matin, je suis heureux de m'appeler Simon ou Simone. Parce que le Christ ne m'abandonne pas à mes illusions. Parce qu'il me visite dans ce qui m'enferme. Je suis heureux de m'appeler Simon ou Simone parce qu'au lieu de me tenir à distance, comme souvent je le fais pour les autres, eh bien, le Christ a encore et toujours quelque chose à me dire. Il est plein de patience. Et ce matin, comme vous, pour ce court instant. Je suis heureux de m'appeler Simon ou Simone, parce qu'une parole de grâce peut être prononcée sur moi, parce qu'il n'est jamais trop tard, parce qu'il est encore temps de manifester mon amour pour le Christ, pour prix de son pardon. Amen.